Au quatrième top, il sera exactement... 30 heures maintenant. Alex, dans votre radio. Oui, c'est moi. J'aime bien quand on dit mon nom. Le rage est sentiment. Alex, hein? Lève-toi. Qu'est-ce que c'est? Voleur. Oui, 287e top, il sera exactement... On s'en fout. Dehors, je pense. Ouais, on aurait qu'à voir par la fenêtre, ça doit cailler. Bah écoute, j'y vais. Bah tu vas où? Bah comment ça, où je vais? Bah oui, tu vas où? C'est bien que je prends le train. Ah bon? Je m'en vais, je vais à Paris, enfin. Ah allez. Ouais, d'accord. Bon ben, bah, c'est quatre, hein. Ouais, salut. J'y vais. Les clés, ouais. Ok. Bye bye. Allez, ciao. Allez, ciao, je reste tout seul. Bonjour Madame Lambert. Ah bonjour Alec, vous sortez? Ah je sors, oui, je vais à Paris en fait. Ah, pour prendre le train. Ah oui, le train. Allez, bonne journée. Au revoir, Monty. Oh, ça caille. Salut Mathieu! Qu'est-ce que tu fais? Je veux une pizza, tu viens? Ah, ok! Non, moi je vais à Paris, j'ai pas le temps! Merci, salut! Bonjour! Oh, j'aurais pas dû aller à pied, ça caille! There's a full moon arising. I tell you because there must be some love communication. Voice on the hotline. Voice on the hotline. Well, maybe make up your mind. Give a minute of your time to the voice. Talk to you, baby. I don't know why we fight. terre devenue étrangement calme, les fakirs traversent dans les clous. Tu m'as dit vas-y beau blond, les lave-vaisselle en cul de Marco Coux. Ma bignole rock et folk, c'est des goodies vont friser l'incident. En hurlant, vive les Six Days, ça gâche quelque chose. Je n'entends plus crier mon nom. Ça gâche quelque chose. Attends-toi à des distorsions. Le lion de la métro exagère, il veut plus bouffer du meilleur. Le mien, ça cache quelque chose. Je n'entends plus crier mon nom. Ça cache quelque chose. Attends-toi à des distorsions. Il fait lourd, l'homme poisson, les cailles poupées, ça ne dit rien qui vaille. Régional 5028 va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Tu verras, ça ira quand même plus vite en voiture. C'est bien sympa de vous être arrêté parce que... Oh, c'est rien. À pied, je crois que j'aurais dû d'avoir tout mouillé et puis j'ai peut-être loupé mon train. Oh, ça c'est sûr. Ça caille hein, quand même hein, quand on est tout mouillé. Non, un petit peu, oui. Ah, j'aime bien cette radio. Vous écoutez souvent Pleurage et Sentiments, vous? C'est quoi ça? Bah, l'émission, là. Non, c'est comme ça, ça. Ah non, c'est au pif comme ça? Ouais, ah, j'aime pas le rock. Vous aimez pas le rock? Non. Ah. Ça me fait chier, le rock. Bon, bah, voilà. Merci, au revoir. Eh ben voilà, salut, bonjour tout le monde, salut à tous. Tonton Alex se trouve actuellement à la gare, en train d'attendre son train pour Paname. D'ailleurs, il faut pas que je le loupe. Je regarde autour de moi. Non, personne, il n'y a pas de train. Non, ça va, j'attends. Apparemment, je l'ai pas loupé. J'ai encore du pot que quelqu'un m'ait emmené en bagnole. Bon, bref. Alors, salut, c'est Tonton Alex dans Pleurage et Sentiments, l'émission rock déglinguée. Et on a écouté, depuis le début de l'émission déjà, eh bien, Don Johnson, Voice on a Hotline, Alain Bashung, ça cache quelque chose. Et puis, juste avant mon intervention, c'était Midnight, All Beds Are Burning, que j'écoutais aussi dans la bagnole. Voilà, avec ce type qui n'aime pas le rock. Je lui ai pas dit que j'étais animateur, parce que là, sinon, il m'aurait tué. On va continuer, hein. On va attendre mon train ici. Et puis je vous dirai après ce qu'il en est du voyage. Voilà, à la gare, je suis bien. On va, pendant toutes ces missions, excusez-moi, c'est le froid hein, qui m'engourdit la mâchoire. Pendant toutes les missions, on va écouter Don Johnson, donc le disque compact de son album en entier. Et puis voilà, je vous laisse découvrir ça. Toutes les missions Don Johnson, hein, c'est notre coup de cœur ce soir dans Pleurage et Sentiments. Voilà, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, je vous ai fait peur. Vous êtes là? Ah, déjà? Voilà. Merci. Bon ben, voilà. Contre terre, comme une bête primaire. plus envie. Serre les poings, la tête contre les murs. Pour cacher tes chiffres de silence en insolence. Quand tu serres les poings, serre les poings, tu rencontreras d'autres silences. Tu sauras la souffrance, le mal que tu te fais comme une autre naissance. Ceux qui savent donner, compagnons de misère, ceux-là seront guidés de leur poing qui se serre. Comme une masse, tu tombes au fond d'une passe, et sans que plus rien n'y fasse. Serre les poings, serre les poings. Si. Non, allô? Oui. Non, mais j'entends pas bien. Tu penses avec le monde qu'il y a. Bah, toi, tu m'entends bien. Bah, oui. Mais toi, tu m'entends peut-être bien. Mais moi, je t'entends pas. Allô? Bah, ça coupe. Non, ça coupe. Je comprends rien du tout. Allô? Ça a raccroché? Allô? Ça a raccroché? Non, mais ça a raccroché. Bon. Tonight. guess I kinda have to. I guess I sort of see. But just because it could have been doesn't mean it had to ever mean a thing. Ooh, baby. I'm a spy. can see Vous pourriez me garder mes sacs pendant que je vais... Ah non, c'est pas une bombe, c'est... Non, c'est... Non, mais laissez tomber. Merci. I wake up in the morning and the sun begins to shine. But it did sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I tried to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I take too much in the Saturday night. Hey, hey baby, tell me, can't you hear me calling? there's anything left to me. Don't let these shakes go on. It's time we had a break from it. It's time we had some leave. We've been living in the flames. We've been eating up our brains. Oh, please don't let these shakes go on. You ask me why I'm weary, why I can't speak to you. You blame me for my silence, say it's time I changed and grew. But the war's still going on, dear, and there's no end. Say in love and romance.

gonna get made up, rehearse and play her part tonight. She's gonna star tonight. She's gonna be so good she'll break the critics' hearts tonight. Isn't it amazing what the girl can do? Acting like she's happy when she feels so blue inside. No one seems to notice that it's all a play. Isn't it a wonder how it never seems that way? She's gonna star tonight. She's gonna raise the level of her craft to an art tonight. She's gonna star tonight. She's gonna blow the competition's hope right off the charts tonight. Maybe she'll surprise him with a certain move, freeze him like an extra with her baby blue. Maybe she'll unnerve him with a change of pace, capture them, release them in a different place. Isn't it amazing how she makes another change? Toujours là, hein, pas bouger de mon banc. C'est-à-dire qu'avec mes deux gros sacs, si je me bouge pour aller aux chiottes, faut tout que j'emmène, tu vois. Puis comme je peux pas les poser par terre parce qu'il y a plein de pistes, du coup je suis obligé de les laisser ici et. Voilà. Bon, alors il y avait les Doors, The Spy. Vous êtes toujours dans Pleurage des Sentiments, au fait, hein, c'est tonton Alex, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est normal. C'est Pleurage des Sentiments, c'est comme ça. En plus, ça chute de mauvais poil, je suis à la gare, elle trinque, je sais pas ce qu'il fout. Ou alors je l'ai loupé, j'en sais rien. Je comprends rien, moi, ces machins, SNCF, machin. Tout est possible, oui, tout est possible avec les SNCF, exactement. Ouais. Donc il y avait les Doors, The Spy, suivi de Scorpion, In Trance. Il y a eu le culte de l'huître bleue. En français dans le texte, en anglais ça donne le Blue Oyster Cult avec Veteran of the Psychic Wars. Putain, je le dis bien, tu vois, dire que j'ai fait anglais. Il y avait Don Johnson encore avec Earthquake Away. Alors, je rappelle que Don Johnson, tout le long de la soirée, on va l'entendre. Hein, voilà, l'album complet. Le gros. Ensuite, il y a eu Steve Jones avec Mercy. Alors, ça tombe bien parce que ce morceau-là est extrait de la bande originale de la série Miami Vice, dans laquelle jouait Don Johnson. Comme les choses sont bien faites, quand même. Je trouve encore le moyen de rire, alors que, bon... Enfin, et puis là, à l'instant, c'était Don Johnson Star Tonight, encore, et encore, et encore, Don Johnson, et encore cette gare qui n'en finit pas. C'est tonton Alex avec vous. Ma foi, je vais attendre encore un petit peu, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Stony ground. Ah, mon téléphone. Attends. Allô ? Oui, salut. Ouais, t'as la radio ? Eh ben alors ? Ça se passe bien sans moi. Ah, tu sais plus quoi mettre après Don Johnson. Tu rigoles ? Non, mais... Bah, tu remets Don Johnson. Mais on s'en fout qu'il y ait Mais s'ils sont enchaînés, c'est pas grave. De toute façon, personne n'écoute, alors... Mais oui, ah, oh, puis tu diras que c'est moi qui te l'ai dit, puis voilà. Mèche de rien. Voilà. Ok. Non, je suis encore à la gare, tu rigoles, toi. Ouais, non, mais vas-y, parce que... Voilà. Salut! You ask me to come back, you Écoutez Pleurage et Scintillement avec Tonton Alex dans votre radio. Il s'arrête pas. Eh monsieur, il s'arrête pas. Mais vous êtes drôle ou... Comment ça, je suis drôle? Il me demande si... Mais non, il s'arrête pas, Orion. Il m'a pas dit ce qu'il a dit. Il me demande non, à moi c'est si pas drôle. Il s'arrête. Bah pourquoi vous rigolez? Entre deux scènes, entre deux. est disponible et s'en va. Il a juste haussé les épaules comme si c'était son meilleur rôle. Et a dit casse-toi de mon ombre, tu me fous du soleil sur mes pompes et s'en va. Swire! vodka intimate, an affair with isolation in a black cell. Extinguishing the fires in a private hell, provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the cross off the glitter conscience. Wrapped in the christening shawl of a hangover, baptized in tears from me. Piccadilly line, rat race, stumbling through the damp electric labyrinth. And now they're crossing the maritime. She's within the Walkman with a halo of distortion. Oral contraceptive, aborting pregnant conversation. She turned up in the room, it pierced my heart. She hung herself around my neck. From the timeline gardens and the conscience bottles. Friday nights are troubles, 9 to 5s with suitable ties. Catch the drift as their sideshow, sideshow, peep show, peep show. Stereo hero, be can be still be rich. Drowning, drowning in the real. Legacy of romance from a twilight world, the diary of a relative mystery gal. A Vietnamese flower, a Dockland union, a mistress of release from a magazine stars. Magdalene's contract, love and favors, the feeding hands of Western brothers. Hold her by the genocide. provided door-to-door melsies. Pandora's box of holocaust. Graceful cruising satellite infested heavens. Waiting. The season of the bottom. J'ai loupé mon train. En fait, pour tout vous expliquer, le chef de gare m'a réveillé. Il faisait nuit. Et il était 2h du matin. Voilà. Donc, comme j'ai loupé mon train, je n'irai pas à Paris. Maintenant, je cherche à rentrer chez moi. Je suis sur l'autoroute à faire du stop, mais il n'y en a pas un qui veut s'arrêter pour moi. C'est bizarre. Enfin. Et hop. S'il vous plaît. Il roule vite en plus, hein. Bon, c'est pas grave. C'était Pleurage et Sentiments avec tonton Alex. Si j'arrive à rentrer chez moi, il y aura peut-être d'autres émissions. Sinon, ben... allez savoir. Enfin, s'ils veulent pas s'arrêter, je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre au milieu de la route. Puis, ils seront bien obligés de s'arrêter. Normalement, quelqu'un qui est au milieu de la route, on s'arrête. Allez, hop. Au milieu de la route. S'il vous plaît.